ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، إخواني في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمد الله عز وجل، وحمد الله هو الشكر، والشكر يستوجب الكلام والعمل. فشكر الله عز وجل في هذا الشهر المبارك الكريم الذي كله فضائل ونعم، والشكر لله عز وجل على ما فيه من الخيرات، والشكر لله عز وجل على ما فيه من النعم المتكاثرة، لأن الله عز وجل يجزي في هذا الشهر المبارك الكريم بالحسنات الطيبة المتكاثرة. Donc, chers frères, louangeons Allah subhanahu wa ta'ala, et notre prière et salutation sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la louangeons Allah subhanahu wa ta'ala parce que ce mois de Ramadan, c'est un mois béni par Allah subhanahu wa ta'ala tout d'abord. Et le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala augmente les récompenses spécifiquement pour ce mois du Ramadan. Et pour cela, dans Al-Hadith Al-Qudsi rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a dit: Illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sauf le jeûne, il appartient à moi. C'est Allah qui parle. Et Allah, il donne ses récompenses dans la manière où il veut. Alors pour cela, chers frères, il faut qu'on profite la bénédiction et qu'on rassemble les bénédictions de ce mois, c'est-à-dire le mois de Ramadan. Et dans la langue arabe, qu'est-ce que ça veut dire Ramadan ? Ma ma'na kalimat Ramadan. Kalimat Ramadan min al-ramda wa hiya shiddat al-har. فكما أن الرمضاء تحرق ما تحتها مما هو موجود، كذلك الله عز وجل يحرق بهذا الشهر جميع السيئات التي ارتكبها المؤمن أو المؤمنة، ولله الحمد. ومن هذا جاءت كلمة رمضان. Donc, chers frères, le sens de Ramadan en arabe désigne la brûlure, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il brûle les péchés commis par les croyants croyants, la chaleur aussi, il brûle toutes les choses qui trouvent là-dedans. Alors pour cela, Ramadan, il vient, c'est-à-dire d'effacement, de brûlure de tous les péchés commis par les croyants et croyantes, walhamdulillah. ولذلك إخواني علينا أن نجتهد في هذا الشهر المبارك الكريم. وأنا أريد أن أركز كلامي على حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وصى به رسول الله أبا ذر الغفاري رضي الله عنه، وهو يتضمن خصائص خمس، وهذه الخصائص كان يمثلها ويتمثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد لهذه الأمة أن تتمثل هذه الخصائص الخمسة كما ذكرت في هذا الحديث، وهي من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: أوصاني خليلي بخصال من الخير، أوصاني أن أنظر إلى من هو تحتي ولا أنظر إلى من هو فوقي، أوصاني أن أحب المساكين وأن أدنو منهم، أوصاني أن أقول الحق ولو كان مرا، أوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، أوصاني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. هذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر فإنه يطبقه في نفسه ويريده خيرا لهذه الأمة. Donc, chers frères, dans un hadith cité par un compagnon aimé par le prophète صلى الله عليه وسلم, il s'appelle Abu Dharr al-Ghifari. Et dans ce hadith, Rasul صلى الله عليه وسلم, il a parlé de 5 qualités qu'il aime pour le compagnon Abu Dharr al-Ghifari. Il a ordonné à Abu Dharr al-Ghifari d'avoir ces 5 qualités. Mais ce message, ce n'est pas seulement pour ce compagnon Abu Dharr al-Ghifari exclusivement, mais pour nous tous, pour la nation et la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith de Abu Dharr al-Ghifari, il a dit: mon bien-aimé a ordonné de regarder celui qui est inférieur ou bien au moins de moi. Il ne faut pas que je regarde celui qui est supérieur de moi. La deuxième qualité: mon bien-aimé m'a ordonné d'aimer les pauvres et d'approcher d'eux. La troisième qualité: mon bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, m'a ordonné de dire la vérité, même si la vérité est amère. La quatrième qualité: mon bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, m'a ordonné de maintenir les liens de sang, même si les proches on prend distance de moi. La dernière qualité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, il lui a dit: il faut dire fréquemment la hawla wa la quwwata illa billah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a plus de puissance que la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette parole fait partie du trésor de paradis. Sallallahu ala rasulillah. Donc, chers frères, si on va citer fragment par fragment dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va obtenir beaucoup de conseils et aussi beaucoup de nasa'ih al-thamina min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. On va retirer beaucoup de conseils à propos de ce hadith رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إخواني بالنسبة للمقطع الأول من هذا الحديث وحسب الوقت إن شاء الله سنتمم في وقت آخر ما بقي منه. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى هذا الصحابي الجليل أن ينظر تحته أو من هو تحته ولا ينظر إلى من هو فوقه. ماذا يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله يعلمنا بهذه النصائح أن نكون مقتنعين بما قسم الله تعالى لنا من الأرزاق ومن القوة وما أعطانا من معاش الدنيا، يعلمنا القناعة في كل شيء. لذلك إخواني أعطي مثال: إذا أعطاك الله أخي الصحة تذكر من هو تحتك، من هو محروم من هذه النعمة من الصحة. تذكر أخي في هذا الشهر المبارك الكريم وأنت منعم عليك بالصحة وتؤدي رمضان والحمد لله براحة، وهناك من لا يستطيع أن يصوم هذا الشهر المبارك الكريم. تذكر أخي إذا أعطاك الله النظر العينين هناك من حرمه الله تعالى من هذه النعمة لو سألته ماذا تريد في الدنيا سيقول لك لا أريد إلا أن أرى الدنيا بعيني. وهناك إذا أعطاك الله الرجلين هناك من هو مقعد لا يستطيع أن يتحرك، وأنت أعطاك الله نعمة الرجلين تمشي بها كيف تشاء، فانظر إلى من هو تحتك. من لم يعطه الله هذه النعمة لو سألته ماذا تريد في هذه الدنيا لقال لك أريد فقط أن يعطيني الله رجلين لأمشي عليهما سالما. وإذا أعطاك الله المال تذكر أخي من هو تحتك، من لم يجد ولو سنتا واحدا ليقضي به حاجاته اليومية وهو محروم من هذه النعمة. إذا أعطاك الله الأولاد فقل الحمد لله، هناك من هو محروم من هذه النعمة ويبحث عنها وقد أجهد الأطباء وأجهد المال فكان همّا في رأسه أن يكون عنده الأولاد، وأنت أعطاك الله هذه النعمة فقل الحمد لله. ولذلك إخواني هذه تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نرضى بما قسم لنا وأن نحرص هذه النعمة بشكر الله وبحمد الله عز وجل. وعلينا أن ننظر ألا ننظر إلى من هو فوقنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا ألا يكون فينا الطمع الشديد والجشع الكثير وأن نطلب الأمور الأخرى بطرق غير شرعية لنصل إلى ما وصل إليه غيرنا من المال ومن الأمور الأخرى ومن أمور الدنيا. ولهذا فهذا المقطع الأول من حديث رسول الله يعلمنا القناعة بما أعطانا الله سبحانه وتعالى. Donc chers frères, pour le premier fragment de ce hadith, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, et vous connaissez Abu Dharr al-Ghifari parmi les pauvres des musulmans, mais parmi les riches au niveau de la croyance, masha'Allah, et la foi. Et la tribu de Bani Ghifar, toute la tribu de Bani Ghifar ont converti à l'islam بسبب أكوز دو أبي درر الغفاري. يقول صلى الله عليه وسلم أدي غفار غفر الله لها أكوز دو أبي درر الغفاري رضي الله عنه. C'est un missionnaire de l'islam والحمد لله. Donc dans ce premier fragment الرسول صلى الله عليه وسلم nous enseigne d'avoir la satisfaction envers notre portion, notre substance dans la vie présente. Alors il faut regarder, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit regardez celui qui est inférieur de toi, celui qui est moins de toi dans l'argent, dans la santé. Oui, dans la santé, cher frère. Maintenant, alhamdulillah, tu fais librement votre adoration, librement. Mais il y en a des gens, pensez bien, il y en a des gens tombés dans les hôpitaux qui n'ont même pas capables de bouger. Il faut dire Alhamdulillah, louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous avez la santé, pensez aux gens qui ont privé de cette portion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous avez de la vue, pensez aux gens privés de cette portion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu te demandes ces gens-là, qu'est-ce que vous désirez dans cette vie, alors ils vont te répondre seulement je veux que je vois la vie correctement, normalement, comme tout le monde. Alors il faut dire, chers frères, Alhamdulillah, louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous avez de l'argent, pensez aux gens qui ont privé de cette ni'ma, de cette portion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous avez des enfants, Masha'Allah, pensez qu'aux gens qui ont privé de cette ni'ma et ensuite de suite. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne d'avoir la satisfaction envers Allah. Il faut dire Alhamdulillah ala kulli hal. Il faut garder la louange et le remerciement envers Allah subhanahu wa ta'ala dans n'importe quel cas et dans n'importe quel état. مش غير الحمد لله، إنما يقربنا إلى الله شكر الله وحمد الله عز وجل. Parmi les meilleures qualités qui nous approchent d'Allah subhanahu wa ta'ala, la louange et le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire la louange? Qu'est-ce que ça veut dire le remerciement? Le remerciement, c'est-à-dire, il faut dire par la langue Alhamdulillah et avec le geste, c'est-à-dire par l'adoration. I'amalu ala Dawood shukra. I'amalu ala Dawood shukra. Donc le remerciement comprend deux choses. De dire Alhamdulillah par la parole et aussi par le geste, tu vas faire du raka'at, shukran lillah, et tu vas faire du sadaqa, shukran lillah, et tu vas faire des choses, des biens, il rentre dans le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que ça veut dire la louange? La louange par la parole de dire Alhamdulillah wa shukru lillah. Naktafi bihada al-qadr, inshallah, wa ba'da salat, après la prière, on va continuer six qualités, inshallah. Astaghfirullah wa alhamdulillahi rabbil alamin. القرآن الكريم مثالين. المثال الأول، وهو رجل لا يعرف الله وطغى في الأرض فأهلكه الله وأغرقه وجعله عبرة للناس. وتعرفون من هو؟ وهو فرعون. والرجل الثاني، وأغرقه الله عز وجل في الماء في البحر، ولكن الله تعالى نجاه. ما هو السبب؟ بالنسبة للأول وهو فرعون، وتعرفون قصته، وكان طاغية ظالم فاسد في الأرض، يدبح الأطفال ويقتلهم ويستبيح الأعراض في الأرض. لما الله عز وجل أغرق فرعون ووصل إلى أدرك بأن الله هو القوي وأن فرعون مسكين لا حول له ولا قوة، واش قال؟ آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وإني من المسلمين. واش قال لله سبحانه وتعالى؟ ماذا قال له؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذن فأغرقه الله، واش قال الله سبحانه وتعالى؟ اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية لكل ظالم متكبر على الله عز وجل. الرجل الثاني الذي أهلكه أغرقه الله في البحر هو يونس عليه الصلاة والسلام، وتعرفون قصته. حينما أغرق الله يونس، واش قال؟ ماذا قال الله عز وجل؟ بماذا نجاه؟ فلولا أنه كان من المسبحين. فرعون كان من المفسدين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. من نجاه؟ نجاه الله بالتسبيح وبمعرفته لله. كان يعرف الله. ولذلك إخواني علينا أن نعرف الله، أن نعرف الله بالتسبيح بالذكر. والمسكين هو الذي يتمسكن ويتواضع، والمتكبر هو الذي لا يعرف الله ويتكبر على الله، حتى في الصلاة لا يصلي، حتى في الزكاة لا يخرجها ولا يرضى بذلك. ولذلك إخواني والحمد لله، إن الله جعل لنا في ديننا أن نكون مساكين متحابين فيما بيننا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه من أوصاف المساكين. غير المسكين وهو المتكبر على أخيه، متكبر على الله، متكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc chers frères, dans ce deuxième, la deuxième qualité citée par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah, alors le prophète a ordonné à Abi Dharr al-Ghifari, aimer les pauvres et approcher d'eux, ça signifie qu'il faut aimer tout le monde, il faut être modeste, il ne faut pas être orgueilleux, il ne faut pas être arrogant, il ne faut pas être vaniteux comme Pharaon. Et j'ai cité tout à l'heure deux exemples que Allah subhanahu wa ta'ala a noyés dans la mer. Le premier exemple, c'est Pharaon. Et vous connaissez Pharaon, c'est quelqu'un injuste, abusif, tyran, qui n'aime pas Allah et qui déteste Moïse et les prophètes, et c'est un négateur. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a noyé Pharaon dans la mer et dans l'état de l'agoniste, lorsque Pharaon a regardé la vérité et que Allah subhanahu wa ta'ala est plus puissant, le plus puissant, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai cru en Allah et j'ai cru à tous ceux qui, Banu Israël, les fils de Banu Israël, crut. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Parce que auparavant, Pharaon, il a été parmi les gens abusifs qui font beaucoup de péchés. C'est un tariyatira. Et Allah subhanahu wa ta'ala a détruit Pharaon et il a laissé son cadavre comme signe pour celui qui fait ou bien qui joue le rôle de Pharaon sur terre. Le deuxième exemple, c'est le prophète Younus alayhi salatu wassalam, Younus ibn Matta. Lorsque Allah, et vous connaissez l'histoire de Younus alayhi salatu wassalam, il a envoyé à son peuple, mais Younus alayhi salatu wassalam a été en colère pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il a donné comme leçon à Younus alayhi salatu wassalam, il l'a testé, il a prouvé. Et il l'a noyé dans la mer. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, qu'est-ce qu'il a dit à propos de Younus alayhi salatu wassalam? Si on fait la comparaison avec Pharaon, l'exemple abusif, et l'exemple qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, Younus alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit Allah à propos de Younus? فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. Si Younus n'est pas parmi les gens qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les gens qui les indicateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il n'est pas parmi les gens reconnaissants d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il n'est pas parmi les gens qui font la glorification à Allah subhanahu wa ta'ala, il va rester dans le ventre du poisson jusqu'à la fin du monde, jusqu'à l'au-delà. Et grâce à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à la piété de Younus alayhi salatu wassalam, Allah il a sauvé Younus alayhi salatu wassalam, il a détruit Pharaon alayhi salatu wassalam. Donc chers frères, il faut être comme Younus alayhi salatu wassalam au niveau de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut connaître Allah. Alayna an na'rif Allah fi ar-raha ya'rifna fi ash-shidda. Alayna an natawada'a lillah. وأنا أذكر قصة كان رواها الشيخ رشيد رضا في كتابه المنار في مقدمة المنار. ذكر رشيد رضا أن الحجاج كانوا يذهبون إلى الحج عن طريق الباخرة عن طريق البحر. وقال مرة باخرة من الحجاج أرادت أن تغرق. وهنا ينبغي أن نعرف الله عز وجل. لما أرادت أن تغرق كل واحد من الحجاج واش يقول؟ يا مولاي احمد التيجاني، هذا يقول يا فاطمة الزهراء، هذا يقول يا، وينادي كل واحد لينجيه الله من الغرق، كل واحد ينادي ويطلب. وكان واحد الانسان تيشوف فيهم ينظر لهم قال يا ربي اغرقهم فانهم لا يعرفونك، يا ربي غرقهم راه ما عرفوكش. ولذلك اخواني علينا ان نعرف الله عز وجل. أعظم شيء أن نعرف الله عز وجل. Il faut connaître Allah subhanahu wa ta'ala par sincérité et dévotion. Il faut avoir un cœur propre et une langue propre. Une langue propre, c'est-à-dire une langue qui indique Allah subhanahu wa ta'ala, et avoir régulièrement et constamment ذكر الله سبحانه وتعالى. سبحان الله لا إله إلا الله استغفر الله. يشوف سبحان الله إخواني parmi les organes dans le corps des êtres humains qui ne fatigue jamais la langue. Toutes les organes de corps peuvent être fatigués sauf la langue. 24 sur 24, mashallah, il travaille. Donc, chers frères, il faut ramasser. Il faut rassembler beaucoup de récompenses par la bouche, par la langue. Subhanallah, vous allez gagner beaucoup de récompenses, mashallah. La ilaha illallah, a'zamu kalimatin qultuha wa qalaha an-nabiyyuna min ba'di, la ilaha illallah. La meilleure parole dite par le prophète, comme il a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et par les autres prophètes auparavant, la ilaha illallah. Il n'y a plus de Dieu que Allah. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Si vous désirez la tranquillité dans l'âme, dans votre âme, si vous désirez la tranquillité dans la substance, il baraka, dans le risque, dans la substance, il faut dire régulièrement la ilaha illallah. Wa lidhalika fil Qur'an al-Karim, dans le Coran, dans sourate al-Kahf, la grotte, wal baqiyatu as-salihatu khayrun 'inda rabbika tawaban wa khayrun amala. La meilleure des choses dans la vie présente, c'est l'indication d'Allah subhanahu wa ta'ala et la glorification d'Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. هذه الأمور إخواني يمكن أن نجمع بها حسنات ما شاء الله. لماذا؟ إن الله يحب الذاكرين والذاكرات والذين يذكرون الله عز وجل هم الناس المتواضعون المساكين الذين يحتاجون إلى الله يعرفون بأنهم يحتاجون إلى الله عز وجل. Donc, le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith est très pertinent. Pourquoi? Parce qu'il veut que cette nation, chacun aime l'autre. Oui, chers frères, la religion de l'islam, c'est universel pour tout le monde. Alhamdulillah. Universel. C'est pas pour les Arabes, c'est tout. Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arabophone. Mais Ar-Rasoul, c'est la miséricorde d'Allah pour tout le monde. Et il aime le bien pour tout le monde. Pas de différence au niveau des races, au niveau des couleurs. Allah, il regarde les cœurs. Et la différence entre moi et toi et les autres, par les cœurs, la lumière, la piété des cœurs. Alors, chers frères, il faut qu'on travaille tous pour avoir des cœurs qui aiment le bien pour tout le monde. Pas de différence. Alhamdoulilah. L'islam, c'est pour tout le monde. Il est révélé pour l'humanité et humanitaire. Il a des qualités du bien. Il veut que tout le monde guide vers la droiture, vers le droit chemin, et aime le bien pour tout le monde. C'est la voie vers le paradis. Oui, vers le paradis. Chers frères, si tu fais ton devoir, tu connais Allah, tu aimes le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu aimes la parole d'Allah et tu aimes le bien pour tout le monde, c'est le chemin de paradis. Inch'Allah. Inna Allah yuhibbul, comme a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ala ukhbirukum bi akrabikum minni majalis yawm al-qiyama ahasinukum akhlaqa. Parmi les gens qui vont être très proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis, dans l'au-delà, les gens bien éduqués, les gens qui possèdent des bonnes qualités et de bon moral. Walhamdulillah. Et dhikrullah wa tasbih wa salat ala nabi wa salat wa l'amal salih wa mahabbatun nas, kullu hadha min al-umur allati tadkhulu fi l'ikhlaq, fi ikhlaq nas. إخواني ننتقل إلى الخاصية أو إلى الصفة الثالثة التي وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أقول الحق ولو كان مرا. Mon bien-aimé a ordonné de dire la vérité même si la vérité est amère. Oui, Ikhwan, chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est véridique, un homme véridique. Lorsqu'il parle, il parle d'une manière vraie. Oui, il parle comme des êtres humains, c'est un être humain. Il rigole, il parle, mais il dit la vérité. Et il aime la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les tribus d'Allah subhanahu, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu haqq. Il est véridique. Et les savants de l'islam ont cité dans le Coran al-Karim le mot haqq. Ils ont trouvé que parmi les mots nombreux dans le Coran al-Karim, le terme haqq, vérité. La vérité. La mort, haqq. La rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vrai. Oui, cher frère, on va rencontrer Allah. Il ne faut pas avoir d'hésitation. Parce qu'il y en a des gens qui font la prière. Voilà, dit, je fais la prière s'il existe Allah, donc si bien tant pis, s'il n'existe pas, je fais la prière. Non. Il faut faire la prière sincèrement. Oui, cher frère, on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, il y en a des étapes et un trajet très lent qu'on nous attend. Il y a la mort, il y a la tombe, il y a l'attente. Il y a le passage entre l'enfer et le paradis. Nous nous implorons Allah d'être parmi les gens qui vont rentrer au paradis. Il y a un contrôle très sévère. Oui, très sévère pour les gens qui ne pratiquent pas et qui ne connaissent pas Allah dans la vie présente. Alors pour être parmi les gens réussites, honorés dans le-delà, il faut connaître Allah subhanahu wa ta'ala par la pratique, par l'adoration. Oui, pourquoi pas, il faut pleurer devant Allah parce qu'on a commis beaucoup de péchés, beaucoup de erreurs, chacun de nous. Si on fait le compte rendu pour nous-mêmes, pour nos actions, on a fait beaucoup de erreurs, mashallah. On est faible. Alors pour cela, on a besoin de connaître Allah par sincérité. Et on a besoin au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour shafa'a. Et on a besoin à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالحق الحق في العبادة نعم. Si vous adorez Allah, il faut adorer Allah sincèrement et véridique. Pourquoi? Parce que, chers frères, l'adoration d'Allah, c'est une promesse. C'est une promesse. Et chacun de nous, il faut qu'il maintienne ses promesses. Et dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit, « Inna al-ahda kana mas'oula. » Wa lidhalika, ibadatullah subhanahu wa ta'ala, kullaha wa'd. علينا أن نوفي بوعد الله عز وجل ونكون صادقين وأن نقول الحق بلساننا ما استطعنا ألا نكذب. Il ne faut pas être menteur, cher ami et cher frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit toujours la vérité. Et dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'au-delà indallah subhanahu wa ta'ala, l'homme peut être dire la vérité aujourd'hui et après aujourd'hui et demain, il va s'inscrire chez Allah. Telle personne par son nom, cette personne est véridique. Et masha'Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, il y a des gens menteurs. Aujourd'hui et demain, il y a des mensonges tout le temps, il va s'inscrire chez Allah. Telle personne est menteur. ولذلك إخواني علينا أن نتحرى الكذب حتى على أولادنا. لا نعلم أولادنا الكذب، نعلمهم الحقيقة. بعض الناس يحلفون ويكذبون على الأولاد. إذا كذبت على ولدك اليوم وكذبت عليه غدا سيكون كذابا ولا يثق فيك أبدا ولو قلت الحق. تكذب عليه اليوم تقول له يا ولدي رانا نروح غادي نشري لك غدا كذا وكذا، ما اشتريت لي؟ قل لك أبي ماذا لم تشتري كذا؟ تكذب عليه. غدا تعيده وعدا ثم تكذب عليه، وأبي لماذا؟ ثم تكذب عليه وتكذب على الزوجة وتكذب على الجيران. إذن إخواني، المؤمن عند وعده. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من هذه الأمة أن تكون صادقة ولن تكون كاذبة ومنافقة في أعمالها. نعوذ بالله من النفاق، لأن الكذب يهدي إلى الفجور، الكذب يهدي إلى النفاق، الكذب يهدي إلى الزور، الكذب يهدي إلى الكبائر. ولذلك حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصانا في هذا الحديث أن نقول الحق ولو كان مرا، لا نكذب ونقول حتى نتفادى كذا وكذا، لا نكذب إلا في الحق. حتى بعض العلماء قالوا إذا كان الكذب للحق فلا بأس في بعض الحالات كالإصلاح بين الزوجين أو كذا وكذا، ولكن من أجل الحق. أما الكذب الكذب هذا لا يجوز. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نكون أمة الصدق وأمة الحق في كلامنا، في وعدنا، في تربيتنا، في كل شيء. حتى إذا قلت له فلان فلان هذاك معقول؟ لا، إذا دار معك لو رونديفو الو إل نورات جامي. مي بعض الناس ما شاء الله يكذب على هذا في الرونديفو، ويكذب على هذا، ويكذب على هذا. يا إخواني راه لي رونديفو سون دي كوتي بروميس الله سبحانه وتعالى. Et parmi les rendez-vous d'Allah spirituels et sacrés, la prière. Si tu rates la prière de l'Asr et de l'Isha, هذا كذب. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah subhanahu wa ta'ala? ماذا ستقول لله؟ ايش بتقول لله؟ ماذا ستقول؟ تكذب على الله؟ لا نستطيع. مرة صلاة الصبح، مرة صلاة الظهر، مرة صلاة المغرب العشاء وهو لا يصلي. هذا لا يمكن إخواني. كما يقول الفقهاء لا يعذر أحد أمام الله يوم القيامة بجهله بالحكم الشرعي. Impossible de dire à Allah subhanahu wa ta'ala si tu rates la prière du subh, du dhuhr, du asr, du maghrib, alors Allah il n'accepte aucun prétexte. Si tu dis à Allah, oh Allah, j'ai pas fait la prière parce qu'il y a le match de football. Non, c'est inacceptable. Tu vas lui dire, oh Allah, je suis fatigué. Allah subhanahu wa ta'ala, si tu ne peux pas faire la prière par cette manière, tu ne peux pas le faire dans telle et telle manière. Même si vous êtes malade, il ne faut pas laisser la promesse d'Allah sacré. C'est le devoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa li hada ikhwali la nakdib ala Allah. Wa la nakdib ala al-nas. Wa la nakdib ala awladina. Wa la nakdib ala ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. هذه نصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوصية الرابعة في هذا الحديث أو الخاصية الأخرى التي وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري، قال له وأن تصل رحمك وإن أدبرت. صلة الأرحام. إخواني الإسلام قوي بالرحم، لولا الرحم ما وجدنا هنا. أنت ولد فلان وهذا ولد فلان وهذا ولد عائلة كذا وهذا ولد العائلة وهذا ولد عائلة، والناس يتكاثرون. الإسلام يريد من هذه الأمة أن تكون لها أسرة. Lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a cité la quatrième qualité dans ce hadith, il faut maintenir les relations de sang. Il faut aller visiter les proches. Il faut respecter les liens des proches. Il faut respecter les liens familiaux. Pourquoi ? Parce que la construction de l'État de l'Islam est basée sur la famille. Et parmi les devoirs de chacun de nous, sur l'autre, le devoir des liens de famille. Si vous avez des parents vivants, allez visiter les parents. Et vous allez gagner beaucoup de récompenses chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il a dit dans le Coran al-Karim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana. Allah il a décrété dans le Coran, adorer Allah tout seul et fait preuve de la bonté envers les parents. Ça c'est kalamullah. Donc il y a le lien avec Allah et le lien avec les parents. Si tu aimes Allah, il faut aimer les parents. Et la grâce d'Allah et l'agrément d'Allah, il est lié avec l'agrément des parents. Oui, chers frères, j'adresse la parole pour les jeunes. Allez embrasser la tête de ta maman et de la tête de ton papa, parce qu'ils ont beaucoup souffert pour nous, surtout la maman. Ils ont beaucoup souffert par la nourriture, par le logement. Quand vous êtes malade, pour l'éducation, et toutes ces choses-là grâce aux parents après Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mois de Ramadan, c'est le mois de réconciliation avec les, surtout avec les parents. Masha'Allah, si l'un ou les deux sont morts, il faut demander la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les deux. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Allah nous a enseigné comment on peut demander lui la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nos parents. Il faut demander, oh Allah, préserve nos parents contre l'enfer. Oh Allah, fais refuge, je cherche refuge pour les parents contre l'enfer. Oh Allah, accorde le paradis pour nos parents. Oh Allah, accorde ta miséricorde à nos parents. Donc le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Aba Dar et nous tous de respecter les parents et adresser la parole respectueuse pour les parents. Il ne faut pas dire ouf. Et ouf, dites dans le Coran al-Karim, un signe, c'est-à-dire de la colère, ou bien dit que ses parents, c'est-à-dire sorte, il faut être envers les parents gentils. Et aussi, il faut les adresser, il faut les traiter par la bonne parole. Et aussi, la même chose pour les liens. Allez visiter les liens. Pourquoi ? Pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a cité les liens, de respecter les liens de la famille ? Parce que dans un hadith, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, « Man arada an yubaraka lahu fi umurihi » وَأَنْ يُنَسَّأَ لَهُ فِي رِزْقِهِ فَلْيَصِلْ رَحِيمَهُ. Celui qui désire la bénédiction d'Allah dans la substance, l'augmentation et la bénédiction dans l'âge, il faut rendre visite les proches de votre famille. La tante paternelle, maternelle, l'oncle paternel, maternel, les sœurs. Masha'Allah, il y en a des gens qui ne connaissent pas, même pas les parents, sauf pour l'héritage. Lorsqu'ils demandent l'héritage, « Fa'at al-nas, Allah yahdihum, mais afush le walidin, hatta yiruhu, hatta yimut, yikullik, wash khallaw. » Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. « Ah, yakhwani, il y a une grande chose pour Allah yubarik fiha al-a'mar. » ويبارك فيها الأرزاق إذا صلنا الرحم. خالك، خالتك، عمك، عمتك، أختك، أخوك، أبوك، أمك، جدك، جدتك، هؤلاء من الأرحام. Sont les liens de famille. Donc, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam veut qu'on préserve, c'est-à-dire Al-Osra, la famille dans l'islam, le rôle de la famille dans l'islam. Et grâce à la famille dans l'islam, l'islam est propagé, walhamdulillah. Et comme ça, on peut protéger la race de l'islam, on peut protéger la religion de l'islam par la protection de la famille et les liens de la famille. Al-Khassiya, al-Akhira, ikhwani, fi hadha al-hadith, wa in kuntu ataltu alaykum, la dernière qualité. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Aba Dar al-Ghifari, il faut dire fréquemment la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah, fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné pour nous tous de dire la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a plus de la puissance sauf la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui le plus puissant. Et nous sommes des pauvres. Il faut avoir dans votre cœur que nous sommes ikhwani très faibles. Si vous êtes jeune, en pleine vitalité, un jour tu vas tomber malade. Si vous êtes, masha'Allah, de n'importe quelle richesse, un jour tu vas être pauvre. Si, masha'Allah, vous rassemblez toutes les qualités, tu vas partir rêver de l'argent, de la santé, de tous. Illa man rahim Allah, illa man atallah bi qalbin salim. On va rencontrer Allah par qui, par quoi? On va rencontrer Allah par nos cœurs. Pas d'argent, pas de courage, pas de santé, pas de rien, bil qalb salim. إذا كان الله عز وجل قال لنا إلا من أتى الله بقلب سليم, sauf celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala par un cœur saint, par un cœur plein de sincérité et un cœur plein de Coran al-Karim, un cœur qui aime Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il va rester pour nous, chers frères, que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il faut connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam قال لنا أكثروا من قول La hawla wa la quwwata illa billah. Si vous avez n'importe quelle difficulté, n'importe quel problème, il faut dire La hawla wa la quwwata illa billah. Alors les gens, masha'Allah, au lieu de dire La hawla wa la quwwata illa billah, s'ils tombent dans des problèmes, alors ils insultent, des grands mots et des choses comme ça. Si tu dis La hawla wa la quwwata illa billah, tu vas gagner beaucoup de récompenses chez Allah subhanahu wa ta'ala et votre cœur va être tranquille. Par contre, si tu dis, Masha'Allah, vous connaissez les grands mots lorsqu'on est dans le calme, Masha'Allah, si on est fâché ou bien en colère, chacun de nous, il dit des grands mots et des choses comme ça. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne d'avoir une langue propre par la hawla wa la quwwata illa billah. Si tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, tu vas gagner des degrés et shaitan al-rajim, il va être très loin de toi. Et sachez bien, chers frères, que si vous possédez dans votre cœur al-dhikr la hawla wa la quwwata illa billah et al-Qur'an al-Karim, لأن la hawla wa la quwwata illa billah c'est un discours coranique. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fi hadith lahu qal man laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'an kana kal bayt al-kharib. Al-qalb اللي غير موجود فيه واحد شوية ولو ذا القرآن الكريم سيكون مثل البيت الخارب, والبيت الخارب الناس يرمون فيه النجاسة والأوساخ وكذا وكذا والشيطان يستولي عليه. دونك شافغا البروفيت صلى الله عليه وسلم nous a enseigné de protéger nos cœurs par le Coran, par le dhikr, par la hawla wa la quwwata illa billah. Il a donné un exemple, le cœur qu'on ne possède pas même un peu de القرآن الكريم. Par exemple, chers frères, si vous ne connaissez pas le Coran al-Karim, vous pouvez l'écrire par transcription phonétique, par exemple. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. Pourquoi par la langue arabe? Parce que, chers frères, même si on fait la traduction française, il y a un sens, c'est-à-dire spécifique en arabe, on ne peut pas le transmettre par la langue française. Parce qu'il a dit Allah dans le Coran al-Karim, « Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. » La parole d'Allah dans le Coran al-Karim, si lourde, on ne peut pas le traduire par une parole léger. « Qalamullah thaqil. » Alors donc, essayez d'avoir dans votre cœur, par exemple, « Qul huwa Allahu ahad. Alhamdulillahi rabbil alameen. » Tu vas être protégé contre la tentation de Shaytan. Et le cœur qu'on ne possède pas, même pas un peu de Coran al-Karim, si comme une maison ruine ou ruinée, chacun peut jeter dans cette maison toutes sortes de la saleté et Shaytan peut dominer les cœurs qui ne possèdent pas un peu de Coran al-Karim. Alors, chers frères, le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers la hawla wa la quwwata illa billah, il faut laisser l'occasion pour votre cœur d'avoir la lumière du dhikr, la lumière du Coran al-Karim. Laissez aussi à vos maisons, oui, à nos maisons, d'avoir un peu du Coran al-Karim. Au lieu de laisser l'occasion aux chansons ou n'importe quelle chose, il faut laisser aussi une place pour le Coran al-Karim. D'avoir une place dans le cœur, dans la maison, dont on nous sommes. Parce que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est juste et véridique. C'est la parole de la tranquillité. Si vous désirez la tranquillité de l'âme, si vous désirez la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous désirez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut avoir un peu de Coran al-Karim. Soit écouter le Coran al-Karim, ou de réciter le Coran al-Karim, ou bien de lire le Coran al-Karim. Et en plus, le devoir, c'est d'appliquer ce qu'il y a dans le Coran al-Karim, qu'on essaye d'appliquer ce qu'il y a dans le Coran al-Karim. Alors donc, chers frères, je ne peux pas être très long. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith qui rassemble toutes ces qualités, veut pour nous d'être, avoir la satisfaction envers Allah subhanahu wa ta'ala. Veut de les croyants d'être simples et modestes et aimer le bien pour tout le monde. Veut dans la troisième qualité d'être véridique. Et tu aimes la vérité. Dans la quatrième, il faut respecter les parents et aussi les liens et les proches. C'est-à-dire les proches. La cinquième, aimer Allah par le Coran al-Karim, par la parole d'Allah et par le dhikr, l'indication, il le rappel et l'invocation. إخواني هذا ما استطعت أن أفهم فيه به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري وهي وصايا لنا يحبها رسول الله لهذه الأمة. أراد منا أن نكون نحب القناعة, أن نقنع بما أعطانا الله. اقنع بما أعطاك الله تكن أغنى الناس. وأعظم شيء أعطاه الله للإنسان إذا أعطاك الله القناعة في نفسك فأنت أغنى من كل مخلوق. القناعة. الأمر الثاني إخواني أن نكون متواضعين, نسجد لله, نعبد الله, نحب الناس أجمعين, لا نتكبر, نحب الخير للناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن بأوصافه وبما يحمله من المعاني. وفي وصف الله له للرسول صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله نلت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرسول كان لطيف يحب الخير لهذه الأمة. البروفيت صلى الله عليه وسلم il est sage, il est simple, il aime le bien pour tout le monde, il est gentil, mashallah, il aime le bien pour cette nation. الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا في هذا الحديث أن نصل أرحامنا, ثم وصانا بأن نكثر من الذكر ومن القراءة بالقراءة القرآن ومحبة القرآن ومحبة أهل القرآن, لأن القرآن حجة لنا أو علينا وهو نور لنا في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا. اللهم لا تدع في هذا المقام ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا عيبا إلا سترته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا سائلا إلا أعطيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا في الدنيا والآخرة إلا قضيتها بفضلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك لخدام المساجد ولعمار المساجد وللذين يبنون المساجد وللذين يعملون في المساجد ووقتهم في المساجد, نسأل الله أن يبارك في جهودهم وأن يبارك في أوقاتهم ويحفظهم في نفوسهم وأن يحفظهم في أولادهم وأن يقويهم بالإيمان وأن يكرمهم بالجنة. ولجميع الذين يعمرون مساجد الله من الذين يصلون أو الذين يخدمون هذه البيوت, نسأل الله تعالى أن يتولهم بأمره, فالبيت بيته والضيف ضيفه, نسأل الله أن يكرمهم بالجنة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا وأجدادنا ولكل من له الحق علينا في دار الإسلام. اللهم لا تجعلنا مبدلين ولا مغيرين ولا مقصرين في حق سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح شباب المسلمين وشابات المسلمين, وبارك في شيوخ المسلمين, واحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نسألك ألا نخرج من الدنيا إلا ونحن مسلمين مؤمنين. اللهم تقبلنا يوم القيامة بمحبتك وبإخلاصك, ونسألك أن تلطف بنا وأن ترحمنا وأن تدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وبالموت شهادة وبعد الموت جنة بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام, واحشرنا في زمرة خير الأنام, واجعل صيامنا مقبولا ولا تجعله علينا مردودا. اللهم اجعله صياما مقبولا نرجو بك به وجهك وجميع الأعمال اللهم تقبلها عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ أوطان المسلمين وبلدان المسلمين، اللهم احفظهم من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلها مستقرة آمنة في العيش راغدة، واحفظ جميع المؤمنين والمسلمين أينما كانوا، واحفظنا في أموالنا وفي عقيدتنا وفي ديننا، واجعلنا أمة واحدة كالرجل الواحد على القلب الواحد بفضلك يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.